Le comité préparatoire sri-lankais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Bactusan 2017 est constitué le 14 courant à Colombo. Le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter les exploits révolutionnaires immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un.